mon fils, essaie de me comprendre, je ne sais pas bien m'y prendre. Et puis c'est pas facile à dire, tu as dû remarquer depuis quelques années qu'elle avait perdu son sourire, bien qu'elle ait gardé sa beauté. Tu m'as vu plus souvent partir qu'être là pour te réveiller. Mon fils, tu sais, dans l'existence il y a des différences que désormais tu dois apprendre. C'est jamais noir ou blanc, mais d'un gris différent, comme font les reflets dans la cendre. On s'adorait puis sans comprendre, on oublie ce qu'on s'est promis. Et puis un jour, l'enfant grandit. Je te parle comme un homme parce que tu es un homme et que moi j'ai bientôt fini. Rien n'est fait au hasard, je m'en vais quelque part essayer de refaire ma vie. Je penserai à toi souvent, je te verrai de temps en temps. Et je saurai que tu grandis. Mon fils, essaie de me comprendre, je ne sais pas bien m'y prendre. Et puis l'on ne sait jamais parler. J'essaie de t'expliquer que tout peut arriver, que rien d'humain n'est éternel, même quand les sentiments s'en mêlent. Et ça, tu l'apprendras aussi lorsque ton fils aura grandi.